amusons cette belle. Coucou. Tiens, l'horloge. Coucou. La Lusillon est au bout par Saint-Jacques de Compostelle. Et le moment est bien choisi pour parler de coucou ici. Coucou. Tournez les goûts. Coucou. Coucou. Oui, vous avez devant vous Dominique Gomez, roi de la haute banque. Et me m'y serais à genoux si ce n'était que la place me manque. Cessez ce jeu, Dominique, vous êtes fou. Oui, fou de toi. En vérité,